Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sale temps pour les chiens, canicide dans la ville. Au cœur des années 1950, Lynn Renault entonne un petit air canin. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant. L'avenir s'annonce radieux pour ce petit chien, peut-être dans une cabane au Canada, bien loin du destin sinistre des chiens errants. L'Orient est le berceau de la civilisation parce que l'Orient est la patrie du chien. Ôtez le chien de l'Asie et l'Asie n'est plus que l'Amérique. Le Romain, le Grec, l'Égyptien, le Chinois ne sont plus que des Aztèques. Ce qui constitue toute la supériorité de l'ancien continent sur le nouveau, c'est le chien. Alphonse Toussenel, l'esprit des bêtes, zoologie passionnelle, 1847. Une zoologie passionnelle en 1847, lue par Claude Piépu, c'est l'émission Bestiaire d'humour. Bonjour Arnaud Exalbin. Bonjour Xavier Mauduit. Dans cette histoire des chiens, je vais vous poser une question qui peut paraître étrange, mais est-ce que les chiens du passé sont les chiens d'aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les mêmes animaux ? Ah non, effectivement, si on appuyait sur un bouton pour revenir dans des temps anciens, on verrait dans les rues une multitude de chiens, hirsutes, faméliques, pleins de maladies, qui vont où bon leur semble, qui divaguent dans les rues, pas de chiens en laisse du coup, pas ou très peu de chiens de race. Non, le chien d'aujourd'hui est absolument différent. La notion de race, d'ailleurs, de chien, c'est pas quelque chose que l'on peut appliquer pour des chiens errants du passé. Il n'y a pas de notion de race, encore. Alors, la notion de race, c'est quelque chose qui vient plutôt au 19e siècle. Mais effectivement, quand les Espagnols arrivent au Mexique et dans la Caraïbe, à la fin du 15e au début du 16e siècle, ils viennent avec des chiens qui ont été croisés, des chiens donc en quelque sorte racés, faits pour la conquête, pour l'attaque. Ce sont notamment les molosses, hein, ces gros chiens dressés pour lutter contre les loups, les ours, les taureaux, et puis ces fameux lévriers, hein, qui sont des chiens pour la chasse d'animaux de proie rapide, et qui vont servir comme chiens de guerre, notamment pendant les conquêtes à la fois du Mexique et du Pérou. La grande tuerie des chiens, Mexico en Occident, 17e, 21e siècle, Arnaud Exalbin, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Champvallon, avec cette longue réflexion sur l'histoire des chiens et sur qu'est-ce qu'un chien, cette relation que nous avons avec ces animaux. On pourrait rappeler hein, que les chiens, et ça on le sait, mais il faut le dire, ont une utilité, mais dans des domaines extrêmement spécifiques. Alors il y a quoi, le chien de chasse pour les troupeaux aussi. Alors bon, alors ça c'est pour le chien européen. Effectivement, le chien européen est un chien et déjà un chien de travail, hein, même si on l'a vu hier avec François Jarrive, c'est surtout au 19e siècle que ce chien devient un chien de travail. Mais c'est essentiellement un chien en Europe, un chien de chasse, un chien de prestige. Hein, on a tous en tête ces tableaux de Velázquez, de ces chiens qui accompagnent les portraits royaux. C'est aussi déjà un chien de compagnie, c'est le petit chien, ce qu'on appelle le pétichisme, hein, le petit chien qui accompagne les princes dans les cours princières. Mais en revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, le chien, ce chien-là, n'a pas vraiment d'utilité. Hein. Il fait partie du cosmos. Il fait partie absolument d'une vision du monde. Il structure l'univers des Mexicas, donc des Aztèques, puisqu'il est à la fois, il fait partie du calendrier divinatoire. Le chien, c'est un chien dieu, c'est Tzolot'l, qui est le jumeau de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Et puis, c'est surtout un chien psychopompe. Hein. C'est un passeur, c'est un intercesseur entre l'ici-bas et l'au-delà. Les chiens qui viennent d'Europe avec ceux qu'on a appelés les conquistadors sont des chiens de guerre, hein, des grosses bêtes. Et on voit bien à quelle destination ils sont voués. Et donc, il y avait déjà des chiens sur ces territoires, le Mexique notamment que vous avez étudié, Arnaud Exbalin. Donc des chiens qui avaient un statut particulier dans la mythologie. Après, on peut mettre ça en relation avec la réalité du quotidien. Est-ce que les chiens étaient bien traités dans ce monde-là ? Alors oui, on peut l'imaginer, même si les sources manquent pour le dire. Mais toujours est-il que le chien, c'est vraiment celui qui va accompagner chaque habitant, notamment à Tenochtitlan. Les chiens sont généralisés hein, dans la ville de Tenochtitlan. Il y en a des milliers. Ils sont d'ailleurs consommés hein, sur les marchés. Certains types de chiens sont engraissés, sont vendus et sont consommés dans un cadre complètement rituel. Hein. Et donc le chien, le rapport homme-chien au Mexique est fondamentalement différent du rapport anthropo-canin que l'on peut avoir en Europe. Par exemple, j'ai dans les sources, j'ai jamais retrouvé cas de dressage pour l'attaque. Alors certes, les chiens servaient déjà comme chiens de garde, servait comme chien de chasse, mais par exemple l'usage de la laisse n'existe ou de la muselière n'existe pas au Mexique dans les temps préhispaniques. Et dans les chiens qu'il y avait dans ce monde préhispanique au Mexique, on sait quel type de chien c'était ? Ah oui, alors c'est intéressant votre question. Oui, alors il y avait plusieurs types de chiens. Par exemple, il y a un franciscain assez connu qui s'appelle Bernard de Sahagún qui a écrit sur les mœurs des Mexicas. Il explique qu'il y a quatre races de chiens, quatre types de chiens. Et il en distingue un qui est bien connu, si vous voulez, des auditeurs, qui est ce chien mexicain sans poil, que l'on appelle le Cholo Escuincle, qui est déjà un chien croisé, puisque c'est un chien qui n'a pas de poil, qui est d'ailleurs régulièrement épilé, qui est un chien qui est le chien de l'aristocratie, qui est un chien qui n'a pas de molaire non plus, hein, qui est le signe d'une transformation sur des générations et des générations. Et ce chien-là, bah, il est bien connu hein, des auditeurs, puisque par exemple le dessin animé Coco le met en scène, ce chien-là a été popularisé notamment par Frida Kahlo. Oui, voilà. Donc là, on a un chien qui est spécifiquement lié à une culture très particulière, avec, dès qu'il est question du Mexique, un autre chien, bien sûr, qui nous conduit vers une ville et à la fois un état au nord du pays, un chien bien connu. Chihuahua, évidemment, hein, le nom résonne, alors c'est un nom d'animal et c'est aussi des localités, une ville et un état du Mexique. Arnaud Exbalin, alors là on est pareil dans un chien d'élite, une construction j'ai envie de dire par l'homme, bien loin de la réalité des autres chiens qui peuvent évoluer dans les rues de toutes ces villes, Mexico notamment. Oui, effectivement, il y a tout type de chien. Hein. Sahagún dit finalement que le chien mexicain n'est pas fondamentalement différent du chien commun que l'on trouve en Europe, qu'il aboie, qu'il remue la queue, qu'il communique avec les hommes, et que finalement, voilà, le chien commun est le même que celui en Europe. Hein. Alors, cette grande tuerie des chiens que vous étudiez, donc vous faites une étude sur un temps long qui commence au XVIIIe siècle et qui va jusqu'à nos jours. Ça signifie quoi, en fait, cette grande tuerie de chiens? Alors, en fait, c'est assez simple. Aux archives municipales de Mexico, je suis tombé sur une grosse liasse qui s'intitule « Matanzas de perros », qui signifie donc « tuerie de chiens ». Et donc, c'est un gros dossier de 500 folios où il y a toutes les pièces correspondant à des canicides. Alors, qu'est-ce que j'entends par canicide? J'entends une forme, finalement, ordinaire de régulation des populations canines qui suppose des opérations d'abattage qui sont planifiées, qui sont systématiques, qui se font à grande échelle avec un personnel dédié, donc des tueurs de chiens qui, dans le cas de Mexico, sont des gardes nocturnes, en fait les allumeurs des réverbères, et donc qui sont réalisés en dehors de tout contexte épidémique. Parce que c'est ça, hein, la question vraiment importante, c'est pourquoi tuer les chiens? Et quand il est question de tuer des chiens, on imagine tout de suite cette maladie, la rage. Pour nous en parler, Nicolas Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chargé de cours à l'Université Bretagne Occidentale. Enragé, point d'exclamation, une histoire animale en France, fin du 18e, 20e siècle, vous publiez aux presses universitaires de Valenciennes. Sur ces chiens enragés, on peut dire que là aussi, alors je reprends ce mot de canicide, on va trouver un phénomène en France, mais lié à la rage, c'est quelque chose de constant. À quel moment on se met à tuer des chiens en raison de la rage? Parce qu'il y a une épidémie qui toucherait tous les animaux? Alors c'est canicide, c'est un phénomène qu'on trouve déjà à l'époque moderne, en particulier dans les villes belges par exemple, il y avait des Hunderslagers qui ont été étudiés par William Riegel, qui montraient justement qu'il y avait des agents payés par la municipalité pour aller tuer les chiens. Alors pour plusieurs raisons, des raisons hygiéniques, le fait qu'ils s'en prenaient aux poubelles, aux déchets, des questions de morale aussi, le fait qu'il y avait des chiens qui copulaient en pleine rue, et au 19e siècle évidemment c'est plus trop accepté par la population. Et puis il y avait effectivement des raisons sanitaires, à savoir la présence de la rage. Donc la rage, elle est présente en Europe depuis déjà très très longtemps, mais on a pour les populations canines, en particulier en France, une recrudescence des cas de rage à partir des années 1860-1870. Alors c'est assez mal expliqué. Est-ce qu'il y aurait une mutation du virus qui aurait rendu le virus plus facilement communicable aux chiens? C'est une possibilité. Il y a aussi le fait qu'on a la guerre de 1870 qui va totalement déstabiliser les sociétés, en particulier la surveillance des chiens. Et donc à ce moment-là, les chiens qui vont circuler davantage, qui vont être abandonnés, tout ça fait qu'on va avoir plus de cas de rage. Et donc les autorités, en particulier celles de la toute nouvelle Troisième République, vont se sentir obligées, sous la pression des autorités sanitaires, en particulier des milieux vétérinaires, à prendre des mesures assez radicales contre les chiens. Et donc on va avoir à ce moment-là la mise en place de canicides. Alors c'est un terme qu'on commence à trouver en France au milieu du 19e siècle. C'est en particulier employé par un journal qui s'appelle L'Écho Rochelet en 1856 et qui fait référence au grand massacre de chiens qu'il y a eu en 1855 après la mise en place d'une taxe canine. Donc il y avait l'obligation pour les propriétaires de payer une taxe entre 1 franc et 10 francs selon la qualité du chien. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'en séparer, donc qui ont tué eux-mêmes leurs chiens, et pas seulement donc pour des raisons liées à la rage, hein, même si l'argument principal des autorités c'était la lutte contre les chiens errants et donc contre la rage. Et donc on a retrouvé à ce moment-là sur la Seine, flottant jusqu'au filet de Saint-Cloud, des milliers et des milliers de cadavres de chiens, donc venant des rues de Paris, tués par des propriétaires qui préféraient abattre leurs chiens plutôt que payer les quelques francs annuels de la taxe. Voilà, pour se débarrasser de son chien, on dit qu'il est enragé. Oui, étonnante taxe sur les chiens. La ville de Paris a son budget en déficit, comme tout le monde. Un déficit de près de 5 milliards. C'est son affaire et je ne m'en soucierai pas davantage si nos conseillers n'avaient envisagé un relèvement de la taxe sur nos amis les chiens. La taxe prévue atteindra ou dépassera le triple de la taxe actuelle. 1000 francs pour un chien de chasse ou d'agrément, 300 francs pour un chien de garde. 1000 francs pour un chien de chasse, à la rigueur, ça peut aller. C'est assez raisonnable. 1000 francs pour un chien de chasse, d'accord. Mais 1000 francs pour un chien dit d'agrément, c'est vraiment autre chose. Au regard du fisc, un chien d'agrément est un chien qui n'est ni un chien de chasse, ni un chien de garde, ni un chien de troupeau. On conviendra que c'est assez vague. Ah oui, on convient que c'est assez vague. Archivin de 1950 sur le relèvement de la taxe sur les chiens à Paris. Nous sommes un peu moins d'un siècle après cette taxe de 1855 sur les chiens, Nicolas Baron. Alors, à vous écouter, pour expliquer les canicides, il y a plusieurs raisons. Donc, une logique qui est liée à la rage, on comprend, l'animal fait peur car il transmet la maladie, peut tuer les hommes, et la rage, c'est une maladie absolument terrifiante. Et puis, il y a cette taxe, alors là, on est vraiment sur un moment extrêmement précis, c'est l'incident qui déclenche ces canicides. Comment lisez-vous ces phénomènes urbains de canicides? On pourrait relier ça avec cette grande peur du 19e siècle sur le vagabondage. Le chien errant, c'est l'équivalent animal du vagabond dans les rues. Il fait peur. C'est ça. En fait, on se retrouve un petit peu avec des chiens errants qui sont vus comme les classes dangereuses à l'époque pour les populations humaines. En fait, il y a la volonté très nette au 19e siècle de constituer une population canine qui soit parfaitement sous le contrôle des hommes, donc qui recevrait un nom, qui serait nourrie, soignée, contrôlée du matin jusqu'au soir. Donc des chiens finalement qui seraient bien identifiés. À l'inverse, on aurait une autre population canine qui, elle, est à éliminer. C'est celle de cette masse des chiens errants qui n'ont pas de propriétaires, ou alors qui ont des propriétaires trop pauvres pour s'occuper d'eux, ou des propriétaires qui sont un petit peu inconscients des dangers et des contraintes liées à la possession d'un chien. Et donc on va vouloir séparer au 19e le bon grain de l'ivraie finalement. Finalement, séparer le bon chien du mauvais chien. Et donc toute la politique au 19e en France, surtout à partir de, on va dire, la moitié du 19e siècle, ça va être de réussir à marquer la différence physique entre ces deux populations pour aboutir à l'élimination de ces populations, donc de chiens errants. Alors comment est-ce qu'on va matérialiser donc le fait que votre chien est un bon chien à l'inverse d'un chien qu'on pourrait croiser, qui lui est un chien errant? Ben, on va obliger par exemple au port d'un collier avec une plaque nominative. C'est le cas par exemple de Nero, le chien de Napoléon III, qui sur son collier avait indiqué Tuileries, ce qui d'ailleurs lui a été utile puisqu'il s'est enfui en 1865, on a réussi à le retrouver, à le ramener à son légitime propriétaire grâce à sa plaque. On va aussi donc imposer, je l'avais dit, une taxe fiscale en 1855, et il y a des communes comme Lyon par exemple qui vont imposer le port d'une médaille qui change de couleur et de forme chaque année, histoire que les agents de la fourrière puissent distinguer justement le chien qui a pas de collier de celui qui a un collier avec une plaque, et en plus la médaille fiscale de l'année en cours. On va également imposer la laisse, la muselière, qui va d'ailleurs de plus en plus stricte au cours du 19e siècle. Et puis, chose étonnante aussi, on va donner des autorisations de sortie, plus ou moins larges selon les époques. Par exemple, dans beaucoup de communes, on interdit aux chiens de sortir la nuit, parce que justement, ils n'ont rien à y faire. Si les chiens sont dehors la nuit, c'est que les propriétaires sont soit inexistants, soit pas très conscients de leurs obligations. On va aussi interdire aux femelles de sortir lors des périodes de chaleur, puisqu'elles ont tendance à concentrer autour d'elles des mâles qui, évidemment, ne pensent rien d'autre qu'à copuler et donc à se battre entre eux, donc peut-être à transmettre le virus de la rage de l'un vers l'autre. Et puis, on a aussi des interdictions de sortie des chiens l'été, du fait, justement, de la croyance très ancienne, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans le terme de canicule, par exemple, du fait qu'on a un lien donc entre la chaleur et la rage, qui aujourd'hui est totalement faux, hein, c'est démontré que c'est pas du tout le cas, c'est un simple virus qui se transmet. Mais à l'époque, on pense que les chaleurs estivales sont susceptibles, comme d'ailleurs d'autres éléments du type la libido inassouvie, la saleté, le manque d'alimentation, etc., ou la colère, feraient que les chiens deviendraient spontanément enragés. Donc on prend des tas de mesures pour justement faire en sorte qu'on puisse physiquement, sans difficulté, reconnaître dans la rue des chiens donc qui n'ont pas de légitime propriétaire et qui sont des chiens errants, donc à éliminer. Désormais, à chaque canicule, nous y penserons à tous ces chiens. On entend qu'il y a plusieurs raisons pour avoir peur des chiens, vouloir les chasser de la ville, la rage, cet aspect lubrique, l'hygiène, une taxe aussi, donc ça coûte cher, on veut plus du chien. Cette volonté de contrôle, qu'en est-il au Mexique, Arnaud Exbalin? Pourquoi ces chiens posent problème? Alors en fait, les raisons qui président à la grande tuerie des chiens sont finalement peu liées à la rage. Moi, j'ai pas trouvé de signes de rage, en tout cas au moment des premiers canicides. On tue les chiens essentiellement pour des raisons morales, à vrai dire. Les chiens constituent une offense à la morale chrétienne, j'ai trouvé plusieurs témoignages qui insistent sur le fait que ces chiens finalement ne servent à rien. Ils constituent un très mauvais exemple pour la jeunesse. Ils sont là dans la rue, ils dorment toute la journée, ils mendient leur pitance, ils défèquent au pied des autels, ils forniquent devant les fidèles, ils se frottent aux jambes des jeunes filles. Et donc, il faut absolument les éliminer. Et puis, il y a aussi des raisons d'ordre policier, c'est-à-dire que les chiens constituent un obstacle à la bonne police des villes par leurs aboiements, notamment les aboiements nocturnes qui empêchent le repos des malades. Et puis, les chiens mordent tout de même. Ils mordent, même si les gens à l'époque savaient se prémunir davantage qu'aujourd'hui des morsures, car ils savaient lire le comportement des chiens. Mais parfois, lorsque ces chiens mordent et s'attaque à une personne en meute, cela peut virer au drame. Hein. C'est des drames qu'on connaît encore aujourd'hui et qui défraient régulièrement la chronique. Donc, moi, ce que je veux dire dans l'ouvrage, en tout cas la thèse que je défends, c'est que on tue d'abord les chiens errants pour des raisons civilisationnelles, hein, c'est-à-dire entendre pour des raisons policières. Hein. Une ville belle, une ville propre, policée, est une ville qui sait gérer ces populations de chiens errants. Ça explique votre sous-titre « Mexico en Occident ». C'est bien ça, c'est aussi une vision de la ville. C'est pas simplement le rapport de l'humain à l'animal, c'est beaucoup plus large. C'est simplement la place de l'animal, voire de la nature non contrôlée dans une ville. Oui, oui, en fait, ces tueries de chiens doivent être mises en résonance avec ce qu'on appelle le bon gouvernement de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en Occident, et j'inclus Mexico dans l'Occident, après considérer que Mexico est de l'extrême Occident, eh bien, au nom de certains canons esthétiques des Lumières, il y a une conception de la rue qui a été bien étudiée, une rue propre, lisse, éclairée et sûre, dans lequel il n'y a pas d'ordures, où c'est pavé, où c'est bien éclairé et où il n'y a pas de chiens errants. Oui, une ville éclairée, mais une ville des Lumières, tout simplement. Nicolas Baron, on peut dire qu'il y a cette conception-là aussi pour expliquer cette méfiance envers les chiens dans la ville. Effectivement, on a la volonté aussi à Paris et dans toutes les villes françaises de mieux contrôler les différentes populations vivantes qui s'y trouvent. Alors ce qui diffère quand même dans le cas français par rapport à Mexico, c'est que l'élément déclencheur à chaque fois des massacres, c'est vraiment des épisodies de rage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se trouve face à une multiplication de cas de rage humaine où parfois ça arrive en même temps quelques cas de rage donc chez des personnes un peu plus médiatisées. Je pense en particulier à 1978, on a quand même 24 morts de la rage à Paris, dont un célèbre auteur dramaturge qui s'appelle Chéri Montigny, c'est le fils du directeur du théâtre du Gymnase et d'une célèbre actrice de l'époque. Il est mordu par ses chiens en juin 1978, il meurt donc quelques semaines plus tard dans d'affreuses souffrances, comme c'est toujours le cas pour les personnes enragées. Et à ce moment-là, on va avoir les autorités qui vont faire vraiment feu de tout bois contre les chiens. Donc pendant 2 mois, on va rafler des milliers et des milliers de chiens à Paris qui sont éliminés dans les heures qui suivent, d'ailleurs avec des méthodes sur lesquelles on pourra revenir assez barbares, qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc c'est cette politique va être menée pendant quelques mois, et puis en général, ça se passe comme ça à chaque fois, on a un relâchement finalement, on estime qu'on a fait le plus gros du travail, que de toute façon il y a des protestations qui sont en train de monter, que les agents eux-mêmes sont mordus, que c'est contraignant de gérer tous ces chiens, en particulier lorsqu'ils sont morts, et donc peu à peu on lève un peu le pied, si bien qu'en fait la rage, une fois qu'on a éliminé une population errante canine, cette rage elle est bien moins présente, c'est-à-dire qu'en gros en 1879-1880 on a beaucoup moins de cas, et par contre une fois qu'on lève le pied, bah évidemment la population canine va se reproduire à nouveau, donc la population est plus nombreuse, le virus circule davantage parmi cette population, et dès 1881 on se retrouve à nouveau avec 21 cas de personnes enragées à Paris, c'est-à-dire pratiquement le même chiffre qu'en 1878. Et on a tout ce phénomène finalement de dents de scie dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à ce qu'on mène une politique de long terme au début du XXe siècle, et là où on va massacrer jusqu'à 26 000 chiens par an, par exemple à Paris en 1892, et on va maintenir ce chiffre jusqu'à 10-15 000 par an, afin justement de réduire définitivement cette population de chiens errants qui sont les réservoirs naturels de la rage à l'époque à Paris et dans les grandes villes françaises. Et il faut s'arrêter un petit peu sur les chiffres. À Mexico aussi, les chiffres sont très impressionnants. Alors à Mexico, c'est intéressant parce que j'ai trouvé le décompte des chiens tués, parce qu'en fait, tout simplement, ces tueurs de chiens, les gardes nocturnes qu'on appelle les serenos, sont payés, ont des primes. Hein, en fait, ils ont quelques pesos pour 100 chiens tués. À Mexico, en 6 ans, c'est 35 000 chiens. 35 000 chiens qui sont tués au bâton, au gourdin, au pieu ferré, et au poison naturel qu'on appelle la hierba de Puebla. Effectivement, à Paris, on a des pics. Hein, 1892, c'est un pic. Moi, je prends les tueries parisiennes en 1878, au moment de l'exposition universelle. Et là, on est autour de 12 000 chiens par an. Donc effectivement, ce sont des prélèvements massifs et comme dit très bien Nicolas Baron, effectivement, on n'a jamais fini de tuer les chiens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez éliminé une population de chiens, cette population, une chienne, hein, elle est féconde au bout de 10-11 mois, elle fait plusieurs chiots par an. En l'espace de 3 ans, la population de chiens errants, donc correspondant aux capacités trophiques de l'environnement, se reconstitue. Et donc, il faut à nouveau les tuer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui explique hein, le regard porté par les autorités sur ce problème qui est récurrent. Il revient sans arrêt avec les archives. Et c'est vraiment la question qu'on veut poser à l'historien Arnaud Exbalin. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre pour travailler sur cette grande tuerie des chiens. Alors, il y a cette alias que vous avez évoquée, l'alias 3662. Mais il n'y a pas que ça. Comment on travaille pour saisir les tueries de chiens? Ça laisse beaucoup d'archives, ces moments-là? Alors c'est très variable. Hein. Moi j'ai eu la chance à Mexico de tomber sur une liasse dédiée que j'ai complétée par plusieurs apports. Notamment, je suis allé voir dans les archives concernant le service d'éclairage de la ville, puisque je l'ai dit, les tueurs de chiens sont des allumeurs publics. Ensuite, il y a des traités pour le 19e siècle, c'est beaucoup plus facile, mais je laisserai la parole à Nicolas Baron là-dessus. Moi, pour le 18e siècle, c'est essentiellement cette liasse. Les correspondances, notamment toutes les archives de police hein, de la ville, puisque, je le rappelle, hein, la gestion des animaux errants relève, est une attribution de la police municipale. J'ai retrouvé, par exemple, les dépenses liées à l'achat de poisons naturels et à la confection de boulettes. J'ai trouvé également même des sources iconographiques. Hein, j'ai dans l'ouvrage inséré une peinture de Caste qui est un portrait qui est un genre typiquement mexicain du XVIIIe siècle, dans lequel on voit une scène de rue où, d'un côté, vous voyez des policiers en train d'arrêter un jeune couple de mendiants, et dans la marge de l'image, vous voyez un de ces serenos qui poursuit un chien errant et qui a la main dans son dos sur un bâton prêt à tuer le chien. Donc voilà, oui, pour le 19e siècle, c'est beaucoup plus facile. Pour le 18e siècle, moi j'ai demandé hein, vraiment aux meilleurs spécialistes de Paris, notamment pour savoir quand est-ce que commençaient ces canicides, ces abattages massifs. Et effectivement, si on n'a pas les chiens dans le viseur, on les identifie quand même assez difficilement. Nicolas Baron, pour les archives parisiennes notamment, mais aussi des autres grandes villes, puisqu'il y a ici un regard porté par l'administration sur ces chiens errants, ça laisse beaucoup de traces. Oui, c'est certain. C'est d'ailleurs un grand avantage pour l'historien. Il suffit effectivement d'aller dans les archives municipales en particulier, comme je l'ai fait à Épinal, à Brest, à Marseille, à Lyon, à Paris. On a beaucoup, beaucoup de dossiers. On voit que les autorités quand même municipales accordaient une grande importance à cette gestion des chiens. On peut retrouver en effet hein, des factures, par exemple, d'achat de boulettes empoisonnées chez des pharmaciens. On peut trouver des plaintes de propriétaires de chiens qui ont vu leurs chiens se faire capter par les services et protester. On a des tas de correspondances, de documents qui nous renseignent. Et puis, comme je vous le disais, les autorités sanitaires sont extrêmement inquiètes de la recrudescence de la rage dans la deuxième moitié du 19e siècle, et ça correspond en fait à l'époque où, à une époque où vous avez les autorités d'abord de sous Napoléon III puis ensuite sous la Troisième République qui vont mettre en place des comités consultatifs sur l'hygiène publique, sur la lutte contre les épizooties, dans lesquels on trouve bien souvent des vétérinaires importants comme Henri Boulet par exemple, et ceux-ci ne cessent de vituperer contre la liberté qui est laissée aux chiens dans les villes, et donc qui appellent sans arrêt à des massacres de chiens, chose d'ailleurs qui vont être suivies après par les préfets. Souvent en fait eux ils sont un petit peu réticents, parce qu'ils n'oublient quand même pas, les préfets, que les propriétaires de chiens c'est aussi des électeurs et peut-être parfois des émeutiers en puissance, et donc parfois sous la pression des autorités sanitaires vous avez le préfet qui prend des mesures. C'est le cas, donc on en a parlé en 1778, où le préfet Albert Gigot va lancer donc à l'été des grands massacres de chiens. On va l'appeler à l'époque le préfet canicide, et on va retrouver cette même appellation de préfet canicide qui va être attribuée à Henri Lauzet, toujours préfet de police de Paris, en 1888 et 1892, où là vous avez tous les amis des chiens qui lui tombent sur le dos parce que il a demandé aux agents de la fourrière de faire preuve de zèle et ensuite d'abattre en masse les chiens. Comment ces chiens sont-ils tués dans les villes européennes ? Alors, si je prends l'exemple de la France, c'est intéressant de voir un petit peu justement le processus qui va mener à la mort du chien. Donc en fait, au début du 19e siècle, ça se faisait essentiellement soit par abattage par des gourdins ou des bâtons, ou alors par des jetés de boulettes de viande empoisonnée, essentiellement la strychnine. Alors ça a été employé jusqu'à Lyon quand même, à Lyon jusqu'en 1879, mais peu à peu, ces méthodes-là ont été critiquées parce que justement, c'était un spectacle barbare qui était quand même pas très édifiant pour les femmes et les enfants dans la vision qu'on avait au 19e siècle. Et ça va assez bien avec le contexte de la loi Gramont de 1850 qui demande justement à ce qu'il n'y ait plus de violence exercée en public contre les animaux domestiques. Donc une sensibilité accrue. À ce moment-là, donc, au cours du 19e siècle, c'est le cas par exemple à Paris, on va mettre en place des fourrières. Donc un bâtiment dans lequel les chiens vont être amenés. Alors la capture se fait soit par les agents de la fourrière, soit par des agents de police qui, eux, à ce moment-là, mettent le chien dans le commissariat en attente que la fourrière vienne les chercher. Et puis, il y a aussi des simples particuliers qui ont décidé de faire profession de cette capture de chiens. Parfois, ils vont même jusqu'à voler les chiens chez les gens ou couper les laisses ou s'emparer de chiens qui se promèneraient comme ça, un petit peu à distance de leur maître. Et donc la capture, quelle que soit la personne, se fait par des filets, des lassos, des perches avec des nœuds coulants. Le chien ensuite est transporté à pied jusqu'à la fourrière, ou alors transporté en voiture hippomobile. Alors souvent ils sont mis dans une grande caisse commune, ce qui évidemment est pas très malin sur le plan de la rage, puisqu'on risque d'avoir, s'il y en a un parmi le lot qui est contaminé, il risque de contaminer les autres. Arrivés à la fourrière, donc ils vont être enfermés dans des cages, en tout cas c'est le cas à Paris, ailleurs ils sont mis dans une grande salle ou dans une cour. Ils vont être nourris souvent au pain et à l'eau, comme de simples prisonniers, et puis on va les laisser dans cette fourrière à un temps assez variable. Par exemple, à Chambéry, ils n'ont droit qu'à une journée. Donc il y a 24 heures pour le maître pour récupérer son chien, en 1867, alors qu'à Lyon, on monte jusqu'à 4 jours. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la durée va dépendre aussi de la qualité du chien. C'est-à-dire que si le chien, il est beau, il est de race, il paraît plutôt sympa, il est affectueux, eh ben vous avez les gardiens qui vont avoir une petite sympathie pour lui et vont lui accorder un petit sursis, alors que le vieux chien édenté, un peu agressif, peut-être possiblement enragé, lui, en général, il fera pas les 24 heures. Et donc, il y a une loi ensuite qui va être adoptée en 1898, qui va décider, au niveau national cette fois, et donc plus de variations locales, que ce sera 2 jours à la fourrière sans collier et 8 jours si donc le chien a un collier. Et donc pour revenir donc sur la mise à mort, alors il y a quand même des chiens qui vont être récupérés par leur maître, ou alors par des bienfaiteurs qui viennent racheter des chiens pour les livrer par exemple au refuge qui se mettent en place. À Paris, on a seulement 8% des chiens qui sont récupérés par leur maître en 1878, et on monte à 25% en 1919. Ce qui montre quand même que les gens sont plus attentifs à leurs chiens, ils veulent vraiment le sauver. Bon, 25%, ça veut quand même dire qu'il y en a 3/4 qui ne sont pas récupérés et qui donc sont abattus. Alors ils sont abattus comment ? Dans les fourrières, ils sont pendant très longtemps assommés ou pendus. C'est le cas encore à Paris en 1874. Devant les critiques faites par des journalistes qui viennent de voir ce qui se passe à l'intérieur, on va décider de les noyer. C'est le cas à Lyon. ou de les gazer. C'est le cas à Paris en 1879. On fait ça d'abord au gaz d'éclairage, mais le problème, c'est que la mort est très longue, hein, parfois une demi-heure. Donc on va utiliser une nouvelle technique qu'on appelle une espèce de machine, qu'on appelle le cynoctone, au début 20e siècle, qui utilise du chloroforme pour endormir, puis de l'acide carbonique pour tuer l'animal. Et puis il y a aussi des chiens qui sont vendus. La fourrière fait aussi un bénéfice en vendant une partie des chiens aux universités et aux écoles vétérinaires pour mener des expériences. Et au final, le chien qui est mort, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, soit il va être vendu à l'industrie, puisqu'à l'époque, à Paris, en particulier au niveau de Montfaucon, il y a une industrie donc de récupération des peaux d'animaux, y compris de chiens, et on fabrique des gants, donc des gants en peau de chien. Et puis ensuite, la loi sanitaire, fin 19e, va imposer à détruire les corps, soit en les enterrant, soit en les détruisant par le feu ou dans l'acide. Il n'y a pas à dire, sale temps pour les chiens. Les gens qui n'en veulent pas trouvent les marmots vraiment idiots. France Culture. Quel fardeau, imbécile, volubile. Ils préfèrent les chiens ou les chats, c'est selon. Ça parle moins dans la maison. Le cours de l'histoire. Quand un moutard en a trop marre, il se défend et se met à discuter. Les gens préfèrent les chiens et les chats que l'on corrige à grands coups de pied. Le petit chien, chien, chat, mes mères. Et le mignon, joli, petit chat. Xavier Mauduit. Claude Lombard qui chante Les Petits Chiens et Le Petit Chien à sa mémère. Dans cette longue réflexion sur les canicides, Arnaud Exbalin, la grande tuerie des chiens, c'est Mexico en Occident. Très bien, mais votre étude est beaucoup plus large. Vous resituez Mexico dans une lecture qui comprend aussi l'Europe, bien sûr, et qui a toute une réflexion sur les modalités de la mise à mort des chiens, parce qu'il faut pouvoir comparer, c'est une histoire comparée. Oui, effectivement, c'est une micro-histoire, mais qui a pour ambition d'être connecté en fait au phénomène canicide, au système canicide. Alors, sur les modalités de tuerie, d'élimination, d'abattage des chiens, la grande rupture, effectivement, c'est l'invention de la fourrière. Hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dire à partir de la naissance des canicides, dernier tiers du XVIIIe siècle, on tue le chien in situ, c'est-à-dire directement dans la rue. Ce sont des opérations qui se font toujours la nuit, au bâton ou au poison. Il faut insister sur le fait que ce n'est pas les mêmes modalités, il n'y a pas les mêmes implications. Tuer au bâton permet de sélectionner les chiens. Tuer au poison tue absolument tous les chiens, mais y compris les personnes ou les autres animaux qui seraient tentés de manger ces boulettes empoisonnées. Et puis, comme le disait Nicolas Baron, à partir du premier tiers du 19e siècle, c'est l'invention de la fourrière, qui sont finalement des lieux d'abattage des chiens, mais derrière des murs, justement pour préserver les bonnes mœurs de ce massacre sordide. J'insisterai, effectivement, moi j'ai trouvé dans les archives ces chambres à gaz pour chiens. À Mexico, fin 19e siècle, un particulier passe un contrat avec la police de la ville de Mexico. Dans ce contrat est décrit la structure de cette fourrière moderne. Il y a deux parties dans la fourrière. Il y a une partie de fourrière proprement dite, c'est-à-dire d'accueil des animaux trouvés libres sur la voie publique. Et puis il y a une deuxième partie qui est appelée département d'hygiène, où on trouve tout le matériel pour disséquer la peau des chiens et donc réutiliser la peau effectivement à différents types d'usages, notamment pour la ganterie. Et puis il y a un espace qui est une chambre à gaz proprement dite. Ici on est à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a un four crématoire. Donc, cette structure à la fois de chambre à gaz et de four crématoire a été inventée en Angleterre dans les années 1870, a effectivement circulé à Paris, notamment promue par la SPA à la fin des années 1870, puis s'est généralisée dans l'ensemble du monde occidental. Ces chambres à gaz existent toujours aujourd'hui. Elles sont en voie de disparition, car très critiquées par les associations de défense des animaux, alors que ce sont elles-mêmes qui ont promu ces modalités beaucoup plus douces de tuerie. Oui, parce que là, nous avons une histoire complexe, hein, celle de la tuerie en masse de ces chiens de rue, ces chiens dans les villes qui posent problème avec, malgré tout, et il ne faut surtout pas l'écarter, ces associations, 1845, c'est la SPA en France, et il y a cette sensibilité accrue face au chien, le chien errant. Quand on rentre le soir par la cité déserte, regardant sur la boue humide, grasse et verte, les longs sillons du gaz tous les jours moins nombreux, souvent un chien perdu, tout crotté, morne, affreux. Un vrai chien de faubourg que son trop pauvre maître chassa d'un coup de pied en le pleurant. Peut-être attache à vos talons obstinément son nez et vous lance un regard, si vous vous retournez. Quel regard ! Long, craintif, tout chargé de caresses, touchant comme un regard de pauvre ou de maîtresse, mais sans espoir pourtant, avec cet air douteux de femme dédaignée et de pauvre honteux. Si vous vous arrêtez, il s'arrête, et timide agite faiblement sa queue au poil humide. Sachant bien que son sort en vous est débattu, il semble dire « Allons, amène-moi, veux-tu ?» On est ému, pourtant on manque de courage. On est pauvre soi-même, on a peur de la rage. Enfin, mauvais, on fait la mine de lever sa canne, on dit au chien « Mais veux-tu bien te sauver ?» Et tout penaud, il va faire son offre à d'autres. Le chien perdu de François Copé en 1870, lu par Alexandre Manzanares, qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique d'Aliya. Dans la sensibilité apportée au chien, Arnaud Exbalin, il faut quand même un moment... se mettent dans cette situation, et vous nous expliquez très bien que la fourrière, c'est une rupture, parce qu'on voit plus ces chiens tués dans la rue, et c'est d'une violence absolue. On veut camoufler une forme de violence en mettant une autre. Il y a à Mexico aussi un écho, une réaction à ces canicides. Alors effectivement, il y a un certain nombre de résistances de la part de la population, et pas uniquement de la grande bourgeoisie, hein. Ça vient de toute la population, y compris des classes les plus populaires, les plus pauvres. J'ai retrouvé effectivement de plaintes d'habitants qui disent « Pourquoi avoir tué mon chien ? Il était sur le pas de ma porte, qui est un espace sacré, il ne faisait rien, il n'aboyait pas, pourquoi l'avoir tué ?» Et puis il y a des résistances qui proviennent des chiens eux-mêmes, qui se défendent, croient dehors, qui fuient, qui au bout d'un certain temps apprennent à reconnaître les tue-chiens, ces gardes nocturnes, et donc qui fuient et qui se réfugient loin dans les faubourgs, et donc qui apprennent progressivement à déjouer les pièges. Et puis enfin, il y a les résistances des tueurs de chiens eux-mêmes, qui, c'est très bien dit dans les archives que j'ai pu consulter, qui se refusent à s'adonner à ces massacres, car, ils ont peur de se retrouver sans destin. Et ça fait directement référence aux chiens psychopompes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je tue un chien, je prive son potentiel maître d'une possibilité de rejoindre l'au-delà. Oui, c'est ça qui est très important, hein, dans cette relation psychopompe, c'est ce qui conduit vers les morts, hein, qui conduit vers le royaume des morts, c'est que le chien, ce n'est pas rien. Alors dans une vision liée à une religion particulière, ou simplement même dans la sensibilité que les humains peuvent avoir envers les chiens. Nicolas Baron, cette sensibilité, vous l'étudiez vous aussi? Oui, en effet, c'est important ce qu'a dit là Arnaud. Effectivement, on est face à une double résistance. Résistance humaine, là aussi, moi j'ai trouvé des tas de choses au moment des rafles de chiens. Vous avez les maîtres ou des simples passants qui vont insulter, frapper, libérer les chiens. Il y a des campagnes de presse qui sont menées par des journaux dans lesquels vous avez des amis des chiens, donc qui font des articles assez assassins contre les autorités, en particulier les préfets canicides. Vous avez des maires et des agents de la fourrière qui sont pas très zélés, parce que ce sont des électeurs ou parfois ce sont des voisins et on veut pas trop se fâcher avec son entourage. Vous avez aussi des vétérinaires qui sont peut-être moins anti-canins que d'autres et qui font parfois des faux certificats de non-rage à leurs clients. Puis il y a même des scientifiques aussi qui, en argumentant sur le fait qu'on peut mutiler préventivement le chien, entre autres en lui émoussant les dents, ce serait une façon finalement d'échapper à la contamination par la rage. Et puis la deuxième forme de résistance, c'est la résistance animale, en effet. On a des animaux qui vont s'enfuir. On a, par exemple, une description à Rouen en 1888 qui est assez fascinante, où vous avez des chiens comme ça qui semblent se passer le mot parce qu'il y en a un qui a repéré le capteur, qui est bien connu apparemment dans la gente canine. Et donc, on les voit tous qui s'enfuient rue après rue. Et en fait, ça s'explique assez bien aujourd'hui puisque les écoles d'éthologie canine américaines ou hongroises ont montré justement que les chiens, ils ont des capacités exceptionnelles liées à la domestication très ancienne de lire nos gestes, nos regards, nos voix. Et donc de comprendre qu'il y a là un individu qui n'est pas forcément très très sympathique, qui a pas forcément des grandes envies de les laisser longtemps en vie. Vous avez également des chiens qui vont se débattre, qui vont mordre. Par exemple, en 1892, lors des rafles à Paris, vous avez quand même 150 agents qui sont mordus, ce qui d'ailleurs va expliquer aussi qu'ils vont lever un peu le pied après, parce que ils pourraient possiblement contracter la rage. Et puis on a aussi, et ça c'est étonnant, lorsqu'il y a des journalistes qui vont à la fourrière, il y a des chiens qui ont compris un peu ce qui se passe, parce que parfois la mise à mort se fait carrément dans la cour devant les chiens qui sont tous dans les cages autour du lieu d'abattage. Et vous avez des chiens qui jettent des regards apitoyés aux journalistes. Il y a un petit chien apparemment de cirque qui a été perdu, qui essaie de faire des acrobaties pour émouvoir le journaliste. Donc vraiment il y a des résistances animales qui montrent bien justement, et ce qui est intéressant pour l'historien quand il se place du point de vue animal. Oui, parce que c'est ça aussi votre démarche, hein, Nicolas Baron, dans la ligne d'Éric Baratet, qui est votre directeur de thèse, réfléchir un peu au point de vue de l'animal avec des chiens qui communiquent entre eux. C'est ce que nous expliquait Pongo dans Les 101 Dalmatiens. C'est une affaire de chiens. Je vais employer les grands moyens. Il faut alerter toute la gent canine. Il faut que la nouvelle se répande dans tout le pays. Et tous nos amis chiens nous aideront. Mais comment, Pongo? Comment feras-tu cela? C'est très simple, Perdita. Demain, après la promenade au parc, je monterai sur une hauteur et je ferai l'aboiement de détresse qui se transmettra de chien en chien, de quartier en quartier et de ville en ville. Je préviendrai qu'on nous a volé nos petits et s'ils sont quelque part, je serai averti rapidement par nos amis chiens. Hé, hey, Terrier, tu as entendu? C'est Pongo de Regent Park. Quoi? Que dit-il? Je ne comprends rien. Alerte générale. On vient d'enlever 15 bébés dalmates de chez lui. C'est Francis Perrin qui était la voix de cette adaptation. Il était Pongo. Arnaud Exbalin, dans cette histoire des chiens, ce regard du point de vue de l'animal, c'est une démarche aussi qui permet de saisir ce qui s'est passé autour de ces canicides. Mais à force de canicides, on se dit que les chiens sont éliminés, on ne garde que ceux que l'on veut garder. Ça a eu un effet sur l'évolution du chien, des races de chiens. Alors oui, bien évidemment, hein, sur la longue durée, les canicides ont eu à mon avis, deux types de conséquences. Il y a eu des effets directs, tout d'abord, hein, qui est la disparition complète, quasi complète, en tout cas, des chiens libres dans les centres-villes en Occident. On voit plus de chiens errants, que je sache, à New York, à Paris, à Londres, à Madrid, et même, j'allais dire, à Mexico. Pour voir ces chiens errants, il faut s'aventurer loin dans les franges de la périphérie, de la lointaine périphérie de Mexico. Et finalement, on peut dire que le rêve des Lumières, hein, d'une rue lisse, propre et sûre, c'est finalement réalisé. Hein. Et puis, il y a des effets indirects. Moi, c'est ça qui m'intéresse davantage. C'est ce que j'appelle les domestications urbaines, où le chien et l'homme, liés par la laisse, est inclus lui-même dans le processus, avec des formes de rapprochement, ou en tout cas un renforcement de l'attachement des chiens aux hommes. Qui aboutit à la généralisation, en tout cas à la diffusion de l'animal de compagnie, qui, on le connaît bien, est ce chien éduqué en laisse, c'est le toutou d'appartement, et qui est le produit de décennies de canicides. En faisant tuer des chiens en masse sur plusieurs décennies, les autorités ont en quelque sorte forcé les propriétaires à reprendre le contrôle sur leur animal qui laissait divaguer en ville les a inculqués finalement à un certain nombre de comportements qui est la mise à la tâche, le port du collier, lui apprendre à marcher au pas, ramasser ses crottes, gérer ses propres portées. Et donc, les canicides ont eu des effets à long terme sur le processus de polissage des mœurs. Oui, des humains, des humains qui ont été domestiqués. Nicolas Baron, cette histoire de canicide a eu un effet sur les chiens, parce qu'effectivement, dans les rues européennes, il n'y a plus de chiens errants, et quand il y en a un, tout le monde le remarque. Effectivement, oui. Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Arnaud. On est vraiment face, finalement, à une... pas un achèvement, parce que c'est un processus continu, mais on est vraiment face à une accélération du processus de domestication de l'espèce canine par les humains entre donc la fin 18e siècle, comme ça c'était le cas pour Mexico, et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que le 19e siècle a été une accélération de ce phénomène. Finalement, on peut conclure en disant que les chiens de ces grandes villes, ils ont finalement... ils sont moins nombreux, en tout cas en termes de chiens errants. Ils ont sans doute perdu en liberté, en marge de manœuvre. Par contre, hein, ils ont gagné en sécurité, en confort de vie, en relation avec nous. Donc finalement, voilà, il y a moins de liberté de leur côté, mais il y a peut-être plus de confort donc une vie peut-être plus agréable aujourd'hui pour les quelques chiens, en tout cas même s'ils sont nombreux, qui sont restés après ces massacres. Et puis pour terminer, on peut dire... Arnaud Exbalin, que ces chiens errants existent encore dans des villes dans le monde, et combien ces chiens-là savent que c'est dangereux d'attaquer les hommes et que globalement, faut pas trop les approcher en raison des maladies, mais que ce ne sont pas les chiens les plus dangereux que l'on pourrait imaginer. Non, effectivement. Moi, pour finir l'enquête, je suis retourné dans un parc où il y a eu un drame horrible, hein, il y a quelques années. Des chiens ont attaqué plusieurs passants. Non seulement les ont attaqués, les ont tués, mais les ont dévorés. Et donc, je suis retourné dans les quartiers populaires de Mexico, notamment à Iztapalapa. Et à Iztapalapa, ces chiens errants sont encore très, très, très nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les formes de sociabilité homme-chien dans ces quartiers-là, ce ne sont pas les hommes qui choisissent leurs chiens. Ce sont les chiens qui vous regardent et qui vous adoptent finalement. C'est joli comme conclusion de cette émission, parce que on est surpris par deux choses. C'est la masse de chiens tués, ces nombres. Si on fait des additions, c'est absolument gigantesque. Oui, c'est effrayant. C'est effrayant, oui. Et puis, dans le même temps, une histoire très peu raconté, qu'on ne connaît pas, sans doute une honte aussi de notre histoire, mais qu'il faut mettre tout à plat. Et on peut lire La Grande Tuerie des Chiens, Mexico en Occident, que vous publiez, Arnaud Exbalin, chez Chamballon. Et puis on peut lire Enragé, point d'exclamation, une histoire animale, ça c'est votre ouvrage, Nicolas Baron. Et puis pour réfléchir aussi à ce point de vue animal en histoire, il y a Vivre en renard, et oui, la traversée du siècle en renard futé, c'est chez Actes Sud. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de poursuivre avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les colons européens nièrent l'origine africaine des ruines du Grand Zimbabwe? Le Grand Zimbabwe est le nom des vastes vestiges en pierre d'une ancienne cité construite près de l'actuelle ville de Masvingo au Zimbabwe. Il s'agit aujourd'hui d'un site classé qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, car c'est un témoignage unique de la civilisation bantoue qu'un peuple africain, les Shona, a développé entre le XIIe et le XVe siècle. En langue Shona, Zimbabwe se traduit approximativement par « maison de pierre ». L'originalité de ce site, unique en Afrique, tient à sa superficie, près de 800 hectares, et à sa structure, car l'ensemble architectural est constitué d'énormes murs et tours en pierre sans mortier, dont la plupart sont encore debout. Grâce aux fouilles archéologiques, on a établi que le Grand Zimbabwe avait été un important centre de production aurifère. On y retrouvait des perles de verre, des fragments de ferronnerie et de porcelaine d'origine chinoise et persane, ainsi que des monnaies arabes. Preuve que le Grand Zimbabwe avait fait partie d'un réseau commercial sophistiqué. Au XIVe siècle, la principale ville abritait une population que les spécialistes estiment à environ 20 000 personnes, du même ordre que celle de Londres à l'époque. Mais vers 1450, cette capitale fut abandonnée en raison du déclin de l'activité minière et de la déforestation. Lorsque les explorateurs, puis les colons européens, ont découvert ces ruines, ils n'ont pas voulu croire qu'elles témoignaient d'une ancienne civilisation africaine. Comme l'a noté Munyaradzi Manyanga, professeur d'archéologie et de patrimoine culturel à l'Université du Grand Zimbabwe, les préjugés raciaux de l'époque ne pouvaient pas imaginer que la grandeur du Grand Zimbabwe puisse être associée à des populations africaines qui vivaient à l'époque de manière très rurale, dans de petites huttes sur des collines. En 1552, l'explorateur portugais Juaro de Barros, qui avait découvert ce site, fit part de sa stupéfaction. Il y a une maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur, construite avec des pierres d'une taille merveilleuse, et il semble qu'il n'y ait pas de mortier qui les relie. À la fin du XIXe siècle, convaincu qu'une telle prouesse architecturale ne pouvait pas être l'œuvre des Africains, les explorateurs européens avancèrent de nombreuses théories sur les origines de la ville. Les plus hardis affirmèrent qu'ils avaient retrouvé la fameuse cité d'Ophir, où le roi Salomon aurait déposé son or d'après la Bible. Depuis des siècles, on avait cherché en vain à localiser cette ville mythique, dans le sud-ouest de l'Arabie, dans la région du Yémen moderne, en Éthiopie et même en Inde. L'ampleur des ruines et la présence d'anciennes mines d'or donnaient une certaine crédibilité à la thèse affirmant que les ruines du Grand Zimbabwe étaient les vestiges d'Ophir. Mais dès le début du XXe siècle, après avoir examiné scrupuleusement le détail de ces ruines, un égyptologue britannique en conclut que ces vestiges n'étaient pas les traces d'un site mentionné dans la Bible, ni d'une ancienne civilisation méditerranéenne disparue, comme on le croyait, mais qu'elles étaient d'origine africaine et qu'elles dataient du Moyen-Âge. Voilà, tout est clair avec vous Gérard Noiriel, merci beaucoup. Et je rappelle que le pourquoi du comment est à retrouver en podcast, bien sûr, sur franceculture.fr et l'appli Radio France, mais aussi en librairie. Merci Gérard Noiriel. Et voici dans le studio du cours de l'histoire Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire. L'Histoire qui fait un focus iranien avec un point de départ précis. Et c'est vrai que dans la chronologie, c'est essentiel pour comprendre l'actualité, 1979. Et oui, on est à la fois horrifié et admiratif devant les nouvelles qui nous viennent d'Iran, cette résilience de la société, ces femmes qui résistent depuis l'assassinat évidemment de Mina Mahsa Amini en septembre dernier. Jamais le régime n'avait dû faire face à une telle opposition depuis 44 ans. Et les femmes en sont le fer de lance, et c'était déjà le cas, c'est comme ça que le mot islamisme nous est arrivé en Occident à travers cette vision terrible des femmes qui étaient tenues de se recouvrir du tchador. Alors, on s'est demandé, le point de départ de notre dossier, c'est de se demander comment, en pleine guerre froide, en 1979, il y a 44 ans, un régime aussi obscurantiste avait pu se mettre en place à Téhéran. Un paradoxe. Ali Amir Moedzi nous explique très clairement pourquoi c'est un immense paradoxe que ce soit dans le chiisme que ça se soit passé, puisque justement le chiisme, la branche minoritaire de l'islam, a composé avec les pouvoirs depuis le pouvoir safavide, depuis l'Iran et chiite depuis le XVIe siècle, et le clergé chiite, puisqu'il n'y a pas d'autre, dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé. Et là, Ali Amir Moedzi nous explique comment il y a eu cette espèce de captation du terme du mot imam par un, pas tout à fait obscur, mais enfin un ayatollah. On apprenait aussi ce mot Khomeini. Et ça n'allait pas de soi. Hein, l'ayatollah Khomeini était loin, il était connu sans doute en Iran, il a été accueilli dans la liesse, mais il était loin d'être le représentant de la principale opposition en Iran. Et il a fallu, pour verrouiller le pouvoir, qu'il y ait une série de circonstances et de coups de chance. La prise d'otages, la révolution de novembre, novembre 79, la prise des otages américains. Khomeini n'y était pour rien, mais il l'a récupéré et il a su coaliser la population contre l'Amérique, le grand Satan et tous les libéraux qui en étaient les valets. Et puis évidemment la guerre déclenchée par Saddam Hussein, 8 ans en 1980, 8 ans d'une guerre de frontières extrêmement meurtrière, mais qui a soudé là encore la population iranienne contre l'ennemi chiite, l'ennemi sunnite évidemment. Et puis l'attentat raté contre le grand parti islamique qui a débarrassé d'un seul coup Khomeini de tous ses opposants, de toutes les hautes figures de l'islam en Iran, mais aussi des Mojahidines qui en étaient les auteurs et qui l'a fait pourchasser, assassiner jusque dans les prisons. Ce qui fait que en 10 ans, En 1989, Roménie est prêt et sur le point de mourir. Il a la force de lancer encore un ordre de tuer à tous les musulmans du monde contre un romancier, Salman Rushdie, hein, qui était coupable de blasphème. Et il a verrouillé le pouvoir en s'adossant, ce que nous explique bien Stéphane Dudoignon, qui en est le spécialiste, à une milice très organisée, les gardiens de la révolution, les passe-d'arrans. Là, on comprend vraiment ce qu'est ce pouvoir des passe-d'arrans, qui, nous dit Stéphane Dudoignon, sont liés au régime par un pacte de sang. Alors vraiment, c'est un exemple de dictature, de mise en place d'une dictature qui n'a rien de mystérieux, qui est une dictature corrompue et sanglante et qui s'est mise en place pour longtemps. Mais à laquelle les femmes et les jeunes résistent aujourd'hui et on a une pensée pour eux. Oui, et c'est très important hein, d'avoir ce regard porté par le magazine L'Histoire sur ce temps très court de l'année 79 de la Révolution, replacé dans un temps plus long, l'histoire du chiisme et puis ce temps particulier de la dictature. Merci beaucoup Valérie Hanin. Merci L'Histoire, Xavier. C'est en kiosque. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viuda, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou et Violette Ruiz. Merci au concours de Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel, émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.